na batile zinde bawai yoka ordonase ya peli mende donde wakama wenge mbaka ordonase ya peli mende kie wakama dimwa kie arimu diki mbana titi pomo tamwanie titi pomo tamwanie na titi mubene masango mbana titi muponge mumbani na titi muponge mumbani na titi muponge ya ye ando ya kana mene tonde wakaba ipe sambila ya mishe mene kile wakaba dimwa kile oh wa mobina batile jinde mawai yo ka odonasi ya kana mene tonde wakaba ayo ka odonasi ya kana mene kile wakaba dimwa kile ya kana mene tonde wakaba Marcel Mudiki ya kana mene kile wakaba dimwa kile wa mobina batile jinde mawai yo ka odonase weji mea nikae entre deux amoureux il n'y a pas de plus signé Epe Ekoum Jean-Paul Mbela Elisa Kobo Eyuntuma Laura Eto Sera la mouche Nadine comme moi, dis-moi qui est. Qui peut te supporter comme moi, dis-moi qui est. Qui peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est. Qui peut te caresser comme moi, dis-moi qui est. Qui peut te supporter comme moi, supporter. Qui peut te caresser comme moi, aïe, supporter. Qui peut te supporter comme moi, supporter. Qui peut te caresser comme moi, aïe, supporter. Qui peut te caresser comme moi? Qui peut t'aimer comme moi? Dis-moi qui est. Qui peut te supporter comme moi? Dis-moi qui est. Qui peut t'aimer comme moi? Dis-moi qui est. Qui peut te caresser comme moi? Dis-moi qui est. Qui peut te supporter comme moi? Supporter. Qui peut te caresser comme moi? Supporter. Qui peut te supporter comme moi? Qui peut te caresser comme moi? Aïe, au cajolé. Qui peut te supporter comme moi? Supporter. Qui peut te caresser comme moi? Aïe, au caressé. Sur la piste, Epe Ekoum, Indomptable, Willy Mbappé-Ambou, Elan Dantoum Dominique, Stéphane Saka. Qui peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est. Qui peut te supporter comme moi, dis-moi qui est. Qui peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est. Qui peut te caresser comme moi, dis-moi qui est. Qui peut te supporter comme moi, oh, dis-moi, dis-moi. Qui peut te caresser comme moi, qui peut te caresser. Qui peut te supporter comme moi, qui peut te donner. Qui peut te caresser? Qui peut te supporter comme moi? Qui peut te caresser? Qui peut te caresser comme moi? Qui peut te donner? Willy Tchamba, le modèle des jeunes, Malanet Ska, l'être Zuna, Maître Bosse, toujours mignon, Maître Benji, Nadia. Qui peut te supporter comme moi? C'est moi, c'est moi. Qui peut te caresser comme moi? Parce que je